بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الحديث 37 حديث وقريبا بإذن تعالى نكمل هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة وكاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة متفق عليه. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhu, rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il rapporte de son Seigneur. Et ce qu'il rapporte de son Seigneur directement s'appelle un hadith qudsi. Bien que là, dans le hadith, Allah azza wa jal ne parle pas à la première personne. À la colline, il dit de ce qui rapporte de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, il dit que Allah a écrit les hasanat, qui sont les bonnes actions, et les sayyat, qui sont les mauvaises. Ensuite, tu l'as clarifié cela. Celui qui a voulu faire une bonne action, qui n'a pu l'accomplir, Allah lui écrit une bonne action. La récompense d'une bonne action complète. Et que si jamais il a voulu la faire et qu'il l'a accompli, fi'alan, Allah lui écrit auprès de lui 10 bonnes, l'équivalent de la récompense de 10 bonnes actions jusqu'à 700 et encore un nombre décuplé au-dessus de cela. Et que si jamais il voulait faire une mauvaise action et qu'il ne l'a pas faite, il a pensé à la faire mais il ne l'a pas faite, Allah lui écrit la récompense d'une bonne action complète. Et que s'il a voulu la faire et qu'il l'a faite, Allah lui écrira alors une seule mauvaise action. Une seule mauvaise action. Une seule sayya. Comme a dit le Cheikh Al-Fawzan dans le hadith, أن الله عز وجل في هذا الحديث يبين لنا أن الأعمال على قسمين. Les œuvres ici sont de deux catégories. Il y a les œuvres des qulub, les œuvres des cœurs, qui sont les intentions et les objectifs. Et أعمال الجوارح وهي أفعال ظاهرة. Et les œuvres des membres, qui sont les actes apparents. Et ce hadith-là confirme le hadith إنما الأعمال بالنيات. وَإِنَّمَا لِكُنِ مِرْئِنْ مَنَوَى. Que tout part de la niya, awalan. Une niya peut te coûter une bonne action, tout comme elle peut t'éviter des mauvaises. وَاكَذَا. Et les actes suivent les niya. Dans le hadith, il dit bien que Allah Azza wa Jal بَيِّنَا وَكَتَبَا السَّيِّحَاتِ وَالْحَسَنَاتِ. D'accord ? Qu'il y a des œuvres qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises. وَبَيِّنَا ذَلِكَ. On l'a dit auparavant, إِنَّ الْحَلَلْ بَيِّنْ وَنَحَرَمْ بَيِّنْ. Que le halal est clair et le haram est clair. وَاكَذَا. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنَّهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Que celui qui a eu l'intention de faire une bonne action et qui n'a pu l'accomplir, que Allah lui compte cela comme la récompense d'une bonne action complète. وهذا يشبه حديث أبي موسى الذي جاء عن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. Si jamais le serviteur tombe malade ou bien alors qu'il part en voyage, il lui sera écrit ce qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il était résident en bonne santé. Après, il y a une riwaya qui dit, qui est muntaqa dans ce hadith. Je crois que c'est ce qui touche à la maladie. Le hadith, il était sujet à la critique. Il y avait un ajout dans le hadith. Bien que ce soit le Bukhari qui l'a rapporté. Quoi qu'il en soit, le ma'na est sahih. Comme confirmé dans le hadith de Anas, de Jabir, قال كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لخلفنا بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم يعني شعبا إلا وهم معكم أو إلا وهم شارككم في الأجر حبسهم العذر أو المرض qu'ils étaient en voyage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour une conquête, une bataille qui était à Tabouk, et qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous avons laissé des gens derrière nous et vous n'avez pas parcouru de vallée ni quelconque endroit sans qu'ils ne soient avec vous. Ces gens-là qui ne sont pas venus avec nous, ils ont été retenus par une excuse ou par la maladie. Ça veut dire que ces gens-là qui ne sont pas venus, malgré eux, ont leur récompense qui est écrite, car ils ont été excusés de ne pouvoir venir. Donc pour leur intention, que Allah Azzawajal sait qu'ils voulaient vraiment venir, mais qu'ils n'ont pas pu venir. Donc il n'y a pas de khassar à ce moment-là. Il n'y a pas de perte pour la personne. Car elle était sincère dans le fait qu'il voulait venir. Tu as voulu faire une chose, une bonne action, et après, hala bainak wa bainaha, yani ha'il. Tu as un obstacle qui est venu, malgré toi, Bazalan, tu as voulu faire une sadaqa à quelqu'un, tu avais une somme dans ta poche, tu voulais lui donner. Et après, quand de la machafa'al, l'argent, tu l'as perdu en route. Ou tu t'es fait voler par un pickpocket, l'argent n'est plus là. D'accord ? À ce moment-là, ne dis pas ma sadaqa, elle est perdue, elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Sans compter que, dans un autre hadith, il est venu que le Nabi sallam qu'al, et aller dans le sens, je ne me rappelle plus vraiment du terme sur le moment, que le serviteur n'a pas planté de graines, ou ne s'est pas fait voler quelque chose, ou autre, sans qu'il fasse certiseb, et que cela soit compté comme sadaqa. Même un objet qu'on t'a volé, mathalan, et tu fais un certiseb auprès d'Allah Azzawajal, c'est compté comme sadaqa. Tu as un champ que tu laboures, tu as mis des graines, des oiseaux sont venus, ont mangé tes graines, ce qui a empêché tes plantes de pousser. هذا يكتب لك صدقة على كل حال ما أنت خاسر في ذلك. Donc le hadith, le shart c'est quoi? C'est que tu étais sadiq en ta niya. Tu comptais faire la chose. Et Cheikh Othaymin il dit, en dehors de ce hadith, il dit quelle autre preuve pourrait-on avoir qui confirme cela? Qui confirme ce que dit ce hadith là? Que quelqu'un qui n'a pas fait une action, comment il en a récompensé? فذكر الآية في كل عز وجل ومن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. Quand il sort en tant que muhajir vers Allah et son messager et qu'en chemin il meurt, il n'est pas arrivé à destination, sa récompense incombe à Allah. Ça veut dire qu'il est compté comme muhajir. Pourquoi? Quand il est sorti, il était sadiq, il avait la niya et en route il est mort. Comme ce hadith de celui qui a tué 99 personnes. Adal hadith. Adal Rajul, quand il lui a dit, est-ce que j'ai une tauba, il a dit, naam. Lakin, ukhruj min adil ard, wa idhab il ard kaza wa kaza, fa inna biha unasin ya'budunallah, fa'budunallah ma'ahum. Il a dit, sors de cette terre, et rejoins telle terre, car il s'y trouve des gens qui adorent Allah, alors adore Allah avec eux. Donc cet homme est parti, et en route il est mort. Comme vous le savez dans le hadith, après les anges sont venus, et ils étaient en désaccord, qui est-ce qui les prend? Est-ce que ce sont les anges de la Rahma, ou ceux de lui, ou ceux du Azab, car ils ont dit, l'âme yamal khaylan kot, il n'a jamais fait de bien cet homme-là. Et d'autres, ils ont dit, mais il est venu, ta'iban, mokbilan, Allah, il est venu, il a fait tauba. Après, il y a un ange qui est venu sous l'apparence d'un homme, qui était arbitre entre eux, et ils ont dit, il est ayetuhuma akrab, voilà. Regardez dans quelle terre il est la plus proche, il est de la terre à qui il est la plus proche. Et ils ont vu qu'il était de la terre qu'il voulait avoir. C'est dans une version que Allah il a révélé à la terre, celle dont il partait de s'éloigner et celle dont tu voulais se rapprocher tu voulais atteindre, de se rapprocher de lui. Donc lui, il était compté comme repenti, car il avait la niya et il était sur le point de faire l'action. Après, la mort est venue. ثم قال وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمية ضعف الأضعاف كثيرة. Que maintenant, il a eu l'intention de faire l'action, et qu'il l'a réellement fait, que Allah lui compte 10 hasanat, quand même, jusqu'à 700 et voire plus encore décuplés. Que Allah Azza wa Jal, il multiplie les bonnes actions. Adam ibn Rahmati, alayna. Et sans cela, nous ne serions pas en mesure de pouvoir obtenir son Jannah, comme on l'a parlé auparavant. Comme l'a dit le Cheikh dans l'aya, « Man ja'a bil hasanatin falahu ashru amsaliha. Wa man ja'a bil sayyati fala yujza illa mislaha. » Que celui qui apporte une bonne action, il en aura 10 fois. La même, décuplée. Et celui qui fait une mauvaise action, il ne sera rétribué qu'une fois. Arabi adli. ثم ذكر من الآية على ذلك كذلك قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Que l'exemple de ceux qui dépensent de leurs biens sur la voie d'Allah sont à l'exemple d'une graine qui aura fait pousser 7 épis, les épis de blé. Et dans chaque épi, il y a 100 graines. Donc ça fait combien au fur et à mesure? Ça fait un nombre énorme. C'est-à-dire, ta sadaqa, fisabilillah, elle se décuple et décuple et décuple et décuple. Tu l'as fait sincèrement. Fayaqul, yudarifu ila 700 di'afin, wahada wallahu a'lam bihasb niyat al-ma'amil wa kuwat imanihi. Ou bihasb al-makan wa zaman. Que Allah, justement, il décuple cette récompense en 700 ou voire plus, et cela en fonction de l'intention de celui qui a accompli l'action, de la force de sa foi, ou cela dépend du lieu ou du temps. Cela dépend du lieu ou du temps. À quel moment il l'a fait? En quel lieu il le fait? Kazalik. Thumma qala, wa in hamma bi sayyatin wa lam ya'malha, katabaha Allah 'indahu hasanatan kamila. Que si l'ami a voulu faire une mauvaise action, et que finalement il s'est désisté de la parfaite, que Allah lui compte cela comme la récompense d'une bonne action. Là, yu'na bi dhalika, celui qui s'est dit, mathalan, il a envie de boire de l'alcool. Il a une baisse de foi. Il dit, khalas, je vais aller au magasin, je vais acheter une bouteille d'alcool. Je vais boire. Et il part pour se rendre dans son magasin. Et en route, il se rappelle d'Allah Azza wa Jal, où il entend un rappel. Une chose le rappelle le haq. Et de là, il fait tauba. Il dit, astaghfirullah, qu'est-ce que j'allais faire? Et il retourne en arrière. Il dit, khalas, je ne vais pas faire ça. Il regrette ce qu'il a fait. Lui, à ce moment-là, ça lui est compté comme une bonne action. La kin bishart, c'est que de lui-même, il a délaissé. De lui-même, il s'est désisté. Par crainte d'Allah. Donc il avait une niya sincère. Contrairement à la même personne qui dit, je vais aller boire de l'alcool. Il arrive, le dukan il est fermé. Il dit, ah, c'est fermé. Je vais voir l'autre à côté. Je vois l'autre à côté, c'est fermé. Il dit, khalas. C'est fermé. Bon, on verra une autre fois, inshallah. Il dit, il part. Lui, est-ce qu'il rentre dans le hadith? Non, pas dans le hadith. Pourquoi? Car il n'a pas pu l'accomplir, non pas de lui-même, mais qu'il n'a pas pu parce que ce n'était pas à sa portée, à ce moment-là. C'est pas une tauba qu'il a fait ou quoi, c'est qu'il n'a pas pu le faire. Mais dans son cœur, il était décidé à le faire. Donc, min adilla kazalik tu'ayyid hadha al-ma'na, que celui qui n'a pas pu faire la mauvaise action lorsqu'il comptait la faire, hadha al-hadith, les trois qui ont été dans la caverne, qui ont été enfermés par un rocher, hadith ibn Omar, le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, kanat ibnatu ammi kanat ahabun nas ilayya. Il y avait ma cousine, qui était la personne que j'aimais le plus. فأردت عن نسيا فامتنعت مني. Que j'ai voulu avoir des relations avec elle, elle m'a toujours refusé. Même hatta jaat sanatum les sinin. Jusqu'un jour, elle a eu des difficultés. فجاءتني تمام فأعطيتها 120 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. فقبلت. Il a dit, je vais donner 120 dinars, c'est de l'or, en condition qu'elle me laisse pouvoir faire ce que je voulais faire. Elle a accepté. Elle a dit qu'au moment où j'étais au-dessus d'elle, en mesure d'accomplir, elle m'a dit, ittaqillah wa la tafud al-haatam il bihaqqi. Yani, crains Allah et ne me déflore pas à part dans son droit. C'est-à-dire, en mariage, c'est pas permis. Tu vois. Elle était au-dessus d'elle. Elle avait tout. à ce moment-là, c'est le plus faible que lui, ils sont mis d'accord. Elle a fait un rappel au dernier moment. Elle a dit, « فَنْصَرَفْتُمْ عَنْهَا وَيَحَبُ النَّاسِ لَيَّهَا وَضَرَقْتُ لَهَا وَذَهَبَ لَذِي عَطَيْتُهَا » Elle a dit, « Je me suis retiré d'elle. J'ai pas fait. Et je lui ai laissé l'argent parce que je lui ai donné. » Enfin, après, il a fait du'a. Il y a, « Allahumma, إِنْ كُنْتُ فَعَلُتُ ذَلِكَ بِتِرَى وَجِّكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ السَّحْرَى » Il a dit, « Oh Allah, si jamais j'ai fait cela en but de rocher ton visage, alors libère-nous de ce rocher. » Et le rocher a bougé une fois de plus. Le premier effet d'Ora, ça a bougé. Plus que le deuxième, et que le troisième, le rocher, il est complètement, il était dégagé, ils ont pu sortir. Donc cet homme-là, allait faire un char, il a eu un rappel, il a délaissé. Hadafi. وقال طيب وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة et que maintenant s'il avait l'intention de faire la mauvaise action et qu'il l'a faite quand même maintenant lui il ne sera compté qu'une mauvaise action c'est-à-dire l'acte qu'il a fait d'accord mais après les actes diffèrent t'as des petits péchés t'as des grands péchés t'as les moubiqat ou akaza. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas décuplé comme la bonne action. Ce n'est pas décuplé, ça reste une mauvaise action. Après, elle peut être grosse, bien évidemment. Donc, il y a qu'on fait le sayyat la tudaaf liyana al-jaza alayha min bab al-adl. Que les mauvaises actions ne sont pas décuplées, car la récompense est bâtie sur la justice. Allah, il est juste. Juste et miséricordieux. Allah, il te rentre au Jannah par sa miséricorde. Il te rentre au feu par sa justice. C'est que tu le méritais. Wallahu la yazlum ahadan. Allah ne laisse personne. Et bien de nombre de versets parlent de cela. Faqal, fahadha hadithun azimun bushra li muslim. Wa hathun lahu ala an yanouya le khayr wa ya'malahu. Donc ce hadith, justement, c'est un hadith qui a un grand sens et qui est une bonne annonce pour le muslim. Et qui l'incite justement à avoir une bonne action dans le bien. À une bonne intention dans le bien. Et qui l'applique. وأن يترك الشر وفيه تحذير من نية الشر ومن نية السوء فإنها تهلك صاحبها. Et ce hadith met en garde contre le fait d'avoir une mauvaise intention. Car cette mauvaise intention, même si tu n'agis pas, peut te nuire. ذكر الحديث على حديث أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا من قتل صاحبه إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم si les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées pour s'affronter et se tuer alors le tueur et le tué sont au feu les deux ils ont dit au messager d'Allah le tueur on comprend mais le tué qu'a-t-il fait il dit il avait l'intention justement d'aller tuer l'autre lui-même. Donc là, attention, ne pas confondre avec le hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, de quelqu'un qui se serait agressé, qala, idha qatalani, ayna huwa, qala, wa fi an-nar. Qala, idha qutiltu, qala, anta fi al-jannah. Si quelqu'un vient pour me tuer, masalan, et que je me défends, il est où lui s'il me tue? Il a dit, lui sera au feu. Et si moi je meurs, toi t'es au jannah. Il voulait se défendre. Là, le hadith, sont deux personnes qui voulaient se tuer sans raison. On va bien comprendre le hadith. Deux musulmans, l'un, c'est pas un à agresser l'autre ou à se défendre. C'est les deux, ils voulaient se tuer. Ils ont eu une dispute, ils ont dit, khalas, toi, je vais te tuer. L'autre, il dit, c'est moi qui vais te tuer en premier. Ils se sont rencontrés pour se tuer injustement. Les deux, ils ont pris le péché. L'autre hadith, c'est légitime défense. Car ça s'est permis, en religion, de se défendre. Si en te défendant, tu as contraint de tuer ton adversaire, tu n'as pas d'autre solution, ça même, voilà, il y a trop le fait. Dans le sens, tu ne rentres pas dans cette menace-là qui plane. C'est un droit que tu as de te défendre. Wa kaza. Donc ce hadith-là vient pour montrer d'amal amal bin niyat. Ton intention te vaut des bonnes actions, et l'action te décuple cette récompense, et l'intention te vaut une mauvaise action. Quand même, la mauvaise intention, si jamais tu l'accomplis, te vaut une mauvaise action. Si jamais tu l'accomplis. Et tu ne l'accomplis pas, te vaut une bonne action, si jamais tu l'as délaissé de toi-même. Alors, à cadre. طيب ثم ندخل في الحديث 38. كم حديث؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره والذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. ثم أبو هريرة رضي الله عنه le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit celui qui s'en prend à un de mes alliés je lui sers déclarer la guerre et mon serviteur ne se rapproche de moi pas une chose plus émouvante de moi que parce que je lui ai rendu obligatoire et mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi faire les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime et si jamais je l'aime je serai l'ouïe par laquelle il entend et sa vue par laquelle il voit et sa main par laquelle il saisit et son pied par lequel il marche si jamais il demande je lui donnerai et si il cherchait refuge auprès de moi je l'abriterai rapporté par le Bukhari. Donc, هذا الحديث كالسابق c'est aussi un hadith kursi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah azza wa jal dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala démontre la grande valeur de son wali le wali d'Allah subhanahu wa ta'ala le wali d'Allah man hu قد جاء في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون que les alliés d'Allah azza wa jal n'est-ce pas qu'il n'y a point de peur sur les alliés d'Allah ceux qui ont cru et qui ont été pieux donc c'est ça le wali d'Allah c'est le croyant pieux tout simplement tout croyant pieux est un wali d'Allah après les croyants pieux يختلفون certains sont plus pieux que d'autres certains sont plus forts que d'autres certains sont plus savants que d'autres certains sont plus dévots que d'autres ou akada donc tout croyant qui est pieux est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqul ash-shi' wa warayatu Allah hiya mahabbatu li 'abdihi que son alliance Allah c'est son amour pour son serviteur wa nasratuhu iyyahu le secours qu'il lui porte wa an yakuna ma'ahu subhanahu wa ta'ala qu'il soit avec lui et la ma'iyya c'est le fait que Allah te soutienne t'accorde le tawfiq elle est khassa que Allah est avec toi et te soutient yunasiruhu wa yu'inuhu wa yusaddiduhu yuhibbuhu que Allah justement le secours et qu'il le renforce et qu'il l'ajuste et qu'il l'aime comme a dit Allah ta'ala Allahu waliyu lazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur wa lazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat que Allah il est l'allié de ceux qui ont cru et il les sort des ténèbres vers la lumière et ceux qui ont mécru leur allié sont les taghut qui les sortent de la lumière pour les mener vers les ténèbres ulaika ashabun nar fi khalidun donc dans ce hadith qudsi Allah azza wa jal déclare clairement qu'il annonce la guerre à toute personne qui s'en prendra un de ses alliés c'est-à-dire à ses croyants pieux et cela cette offense portée, cet outrage porté à ce croyant pieux, de différentes formes. Bil zulm, bil kadhib, tout le khilaf qu'on a pris hier, la hadith. Al-muslim, akhul muslim, la yakhzulu, wa la yakhzibu, wa la yakhkiru. Tout ce qu'on a cité hier comme sifat, dhamima, mauvaise, par lesquelles tu peux nuire à ton frère, cela peut te causer que Allah te déclare la guerre. Même toi, en tant que croyant, il a dit Allah Azza wa Jal, man, adali, waliyan. Man, c'est, comme on l'a expliqué, les termes généraux. Quiconque. Donc, même un croyant qui s'en prend injustement à un croyant, il y a chemin le haut hadith. On parle, bien sûr, de quelqu'un qui a fait cela, amdan. Délibérément. L'innallah, dans le kitab, il y a qu'il, Rabbana la tuwakhizna innasina awartana. Au Seigneur, nous ne prend pas pour ceux dont nous avons fauté, c'est-à-dire involontairement ce que nous avons oublié. Des fois, tu peux être injuste envers quelqu'un sans t'en rendre compte. C'est pas pareil. Bien qu'une fois que tu t'en as rendu compte, tu dois faire tawbah et rattraper ton erreur. Et le wali d'Allah, bien comprendre que ce n'est pas seulement celui qui fait des miracles, celui que tu verras marcher sur l'eau, celui que tu verras léviter dans les airs, celui que tu verras, mathalène, rentrer dans le feu ou sortir indemne, ou akada. Là, malzem, tu peux être un wali d'Allah et tu n'as pas de miracle avec toi. Bien que si, yenna, cheikh l'islam, qu'on est azam karamat l'abd, en yaish wa yamut al-istiqama. Le plus grand miracle que l'on puisse voir et qu'il puisse attribuer à un croyant, c'est qu'il vive sur l'istiqama et qu'il meurt sur l'istiqama. Tu vois les gens dans le kufr, tu vois les gens dans le fisc, tu vois les gens dans la bid'a, tu vois les gens dans les ma'asi, la salène autour de toi, à outrance, et toi, malgré cela, tu tiens. Comment dirais-je, tu ne t'éparpilles pas à droite à gauche. Tu restes à la silence de Moustakhin. Il est le maut. Et ça, c'est un miracle. Car on a expliqué auparavant, c'est quoi l'os de l'insan? Inna ukana zaluman jahula. Que l'insan, à la base, il est injuste et il est ignorant. Donc, ce chemin Moustakhin, tu ne peux le connaître qu'avec le ilm. Et tu peux être dessus qu'avec, justement, le hikma et l'adl. Un zalim, au bout d'un moment, il va finir par dévier. Son zoom va lui coûter cher. Et un jahil, il n'aura pas l'ilm. Donc il va tomber tout dans les bid'a, comme c'est le cas des nasara, masalam. Ou des grands dévots. Donc ça, c'est le plus grand miracle, c'est celui-là, l'istiqama. Al-nta'ish alayha, ou n'tamut alayha. Toi, ne sois pas surpris, comme il était dit, du grand nombre de personnes qui dévient, mais sois étonné de celui qui réussit. D'accord? Les gens disent, oh, un tel, il a dévié, subhanallah, mais lui, un tel, il a dévié, subhanallah. Ne sois pas surpris de ça. Dis plutôt, un tel, il a tenu, subhanallah. C'est ça qui te surpris. Ah, ça, yustahak, yutu'adja minhu, wa athabat. Tu dis, avec toutes ces fitanes qu'il y a à notre époque, et tout le mal qu'il y a, le char, quelqu'un, il est tenu, هذا يتعجب منه ولا يأتي زمانه إلا ولا زبعده شر منه qui n'aura pas un temps sur celui qui soit après soit pire que le précédent. Donc demain tu vois des gens faire des choses que tu crois comme étant des miracles, ne te précipite pas à dire que c'est un wali, car t'as des gens, ils font du char, ils vont être عملون مع الشياطين, ils sont des shayatin, comme les kuhan, comme les médiums, comme ce qu'ils appellent les marabouts, les sorciers, tous ces gens là ils font du shirk pour pouvoir obtenir les services des shayatin. Donc ces gens-là ne sont pas des awliya. Ou plutôt, naam, mais des awliya de shaytan. Pas de Allah azawajal. Car pour faire ce qu'il faut, ils ont obligé de faire du char. Et on a dit, c'est quoi le wali d'Allah? C'est le croyant pieux. Donc c'est pas ce mal-là. Donc comme on dit, nous occurons un shafi'i, quand on dit, ils ont raïta rajoul jemshi à l'alma ou yatir sur le hawa, quand même, fa, là, تحكم عليه بالولاية والولاية حتى تقارن أعماله وتولد أعماله على الكتاب والسنة. Tu vois une personne qui marche dans les airs, qui marche sur l'eau, qui fait des choses prodigieuses, ne te précipite pas à dire que c'est un wali tant que tu ne juge pas ses actes, c'est-à-dire en dehors de cela, au kitab ou au sunnah. Si tu vois que ses actes sont conformes à la sunna ou au kitab ou au sunnah, c'est un wali. Ce qui fait, c'est un miracle d'Allah Azza wa Jal. Et tu vois autre chose, c'est que c'est un wali de shaitan, celui-là. Donc ne sois pas leurré par ce qu'il fait. Ne sont pas leurrés pour ce qu'ils font. Et on voit chez les couvertes, on a plein, ils font ce qu'ils appellent des tours de magie ou quoi, prodigieuses des gens. Certains, ils ont des trucs, et d'autres, c'est des shayatins qui travaillent pour eux. Ils font du sihr pour faire cela. Ils sont obligés de faire l'acte le plus détesté auprès d'Allah Azza wa Jalla, le plus grand des péchés, les shirk billah. Donc, celui qui s'en prend un wali d'Allah, Allah lui déclare la guerre. Ce hadith, aujourd'hui, avec les événements actuels, on le voit, il y a une tabiq. Avec ce qui arrive actuellement au Koufar, comme pandémie du coronavirus. Après tout le mal qu'ils ont fait, qu'ils font encore, et qu'ils feront encore, quand même, et qu'ils se font à eux-mêmes également, par leur injustice et par leur koufr, Allah leur a déclaré la guerre. Et Allah Azza wa Jal, yusallit ala ibadi ma sha min makhluqatih. Allah, il te déclare la guerre avec ce qu'il veut de ces créatures. Ce qu'il veut. Et eux, c'était quoi un virus? Ashab al-Fil, ça a été Tayran Ababil, des oiseaux qui lançaient des pierres incandescentes, de la terre incandescente. Pharaon, il a été détruit par la mer. Qarun, il a été enseveli par la terre. Wakada, Nimrod, celui qui était le roi qui a débattu avec Ibrahim alayhi salam, qala alam tara illa alladhi haaja Ibrahim fi rabbi an atawla al-mur, qu'est-ce qu'a dit Ibrahim, fa inna rabbi yuhyi wa yumit, qala wa ana uhyi wa umit, qala Ibrahim fa inna Allah yati bi shams min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib fa buta alladhi kafar. Lorsque n'as-tu pas vu celui qui a débattu avec Ibrahim au sujet de son seigneur, que Allah lui a donné la royauté. Donc, comme Allah lui a accordé la royauté, il s'est vu plus haut qu'il ne l'est. Ibrahim lui a dit, mon Seigneur, à moi, il donne la vie et il tue. Il dit, moi aussi, je donne la vie et je tue. Dans le sens où, je prends un de mes sujets, si je veux, je le tue. Si je laisse, il vit. Ibrahim lui a dit, Allah, il fait venir le soleil du levant, pour toi, il fait venir du couchant. Et là, il n'a rien pu dire. Ce roi-là, il s'appelait Nimrod. Dans des tafasir, on n'a pas de dalil vraiment de la sunna, mais ils disent que cet homme-là, c'est un jabbar, un grand tyran. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il a été exterminé de sa propre main à cause d'un moustique qui entrait dans sa tête et qui bourdonnait, vivant dans sa tête. Le bourdonnement lui était insoutenable, insupportable. Il se tapait la tête contre les murs, avec des chaussures, tellement il n'en pouvait plus. C'est ça ce qui lui a donné la mort. Qui que tu sois, Allah peut te détruire, t'exterminer avec la plus vile des créatures. Un moustique. Et là, aujourd'hui, tout leur système, il est arrêté. Leur économie, elle s'effondre. Leurs espoirs s'écroulent. La peur est dans leur cœur. Face à un ennemi, face auquel, ni tank, ni bombe nucléaire, ni sous-marin, ni porte-avions, ni avion de chasse, ni rien, ni couteau, ni sport de combat, ni rien, rien de phare. Il n'y a rien qui est fait. Elle dit, il y a rien qui est fait. Rahmad Allah. Il n'y a que Allah, c'est lui qui l'a envoyé, il n'y a que lui qui pourra l'enlever. Et il l'enlèvera. Inch'Allah, il va l'enlever. C'est un temps, c'est une épreuve pour eux. Parce qu'on sait que le Sa'a, ce n'est pas maintenant. Le Sa'a, il y a des haramats qui ne sont pas arrivés, ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire que ce qui arrive actuellement, ça va s'arrêter. Bismillah Ta'ala. Wa fayma man fayma. Comprendre ce qu'ils devront comprendre. Et on sait que la plupart ne comprendront pas. Donc ça, c'est Nirma, de un, car c'est un char qui paye pour le mal qu'ils ont fait. Ça veut dire que les mots d'entre eux périssent et tombent. Et c'est un kazalik Nirma, car les mères d'entre eux se repentiront. Donc il n'y a qu'un khel derrière. Donc on ne peut que s'en réjouir. Quelqu'un dit, t'es content de ce qui nous arrive? Je dis, non, je suis content de ce qui nous arrive. Ou alors là, yikhwani, mojudun indakum, la sajetou se joudan shukr. C'était pas mes frères qui étaient là-bas, pour qui on a de la compassion malgré tout, on fera un sujoud de remerciement à ce qui vous arrive. Tu vois. Et on remercie à ce qui vous arrive. Comme on l'a expliqué, il n'y a que du bien derrière. Ça tue les mauvais et ça fait revenir les bons. Il n'y a que du bien derrière. Et les mauvais sont plus nombreux que les bons. Fahada, misla adil ahadith. On les voit aujourd'hui. Et des fois, ça arrive, tu t'en rends même pas compte. Tu as fait un mal à quelqu'un, tu le payes, tu dis qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Tu as fait mal à quelqu'un. T'as fait mal à un croyant, t'as oublié, t'as négligé la chose, t'es tombé malade, t'as eu une chose. Après, koul bihasb. D'accord, koul bihasb. Comme a dit Ta'ala, « Oma yalamu junu de rabbika illahu » Nul ne connaît les troupes de ton Seigneur à part lui. Nul ne connaît les troupes de ton Seigneur à part lui. Donc, par n'importe quel moyen, là, il peut te déclarer la guerre. Et si elle déclare la guerre, t'as que la tauba, comme m'échappe à toi. Tauba sincère, sinon tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Comme a dit Ta'ala, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, c'est à Allah qu'appartiennent les armées des cieux de la terre. Malaïka, djinn, toyr, oiseaux, insectes, tout. Et la maladie, et les microbes, et les bactéries, et les virus, et ce que tu veux. Tout cela, c'est Allah qui l'a créé, tout cela, c'est quand on dans la raza, il l'envoie sur qui il veut. Toyr, ثُمَّ قَالَ وَمَا تَكَرَّبَ إِلَيَّ عَبَدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبَدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, qu'il a dit que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, ou plutôt afin que mon serviteur ne peut s'approcher de moi par une chose plus aimée auprès de moi que parce que je l'ai rendu obligatoire. وهذا الحديث مهم جدا يبين لنا أن أحب الأعمال إلى الله هي الواجبات. Les actes les plus aimés pour Allah sont les واجبات. Ce que là t'as rendu obligatoire. On a déjà parlé auparavant les arcanes, tout ce qui s'ensuit, c'est ça qui arrive de toi. Donc ne condamne pas une chose obligatoire sur une chose obligatoire. Ça c'est pas du fiqh. Exemple, que les ulama donnent souvent, quelqu'un il dit, le soir je vais faire qiyam al-layl. Je vais faire un long qiyam. Je vais lire kaza et kaza juz du Coran. Et toute la nuit, mashallah, il se lève, il fait qiyam al-layl. Il pleure, il fait des longs dora. Le fajr il arrive, il dit je me repose un peu, il dort. Il se réveille, il fait grand soleil. On dit ton qiyam al-layl, narrak. Ton qiyam al-layl, il t'annuie. Pourquoi? Il t'a fait rater ton wajib. Il t'a fait rater ton wajib. Qui est Salat al-Fajr. Salat al-Fajr que dans l'Azza wa Jalla est préféré qu'un qiyam al-layl toute la nuit debout, tu as le Coran entier si tu veux. Ce Salat al-Fajr est meilleur pour toi, en jama'a, au masjid, que ce qu'il y a que tu auras fait. On ne dit pas de laisser tomber. On dit, il faut faire attention, Shaitan, il joue avec l'être humain, par rapport à ça. C'est une faïda que Mokaymi donne, que Shaitan, il vient avec toi. Si jamais il voit que tu es mujtahid, il va te pousser à l'ijtihad. Si jamais il voit que tu es fainéant, il va te traîner en arrière. L'ijtihad, il va faire un ijtihad à tel point que tu auras, au final, tu vas craquer. Ou te faire passer une chose surrogatoire, c'est une chose obligatoire. Par exemple, il va arriver, il va te dire, voilà, si t'as de l'argent là, fais une grosse sadaqa et tout. Fais, là-bas, t'as des veuves orphelins, donne-leur ton argent. Ils donnent. Ses enfants, ils ont besoin en train de pleurer, ils ont faim. Sa femme, elle dit, t'as pas quoi, Léo. T'as tout donné à eux, et nous, on est aoulé. Nous, c'est wajib que tu payes pour nous. Eux, c'est mustahab. En faisant cela, il a fait une erreur. La salam. Quelqu'un, il vient, son père, lui dit, apporte-moi un verre d'eau. Il dit, attends d'abord, là-bas, là, il y a un salaja, les fontaines, comme on a au mosjid, là. Qui est vide, je vais la faire, mettre de l'eau fraîche, c'est encore pour tout le monde, tout le temps. Ton père dit, j'ai juste un verre d'eau maintenant. Il dit, attends, Abi, je vais faire ça, après j'arrive. Il va vouloir abreuver des centaines, des milliers de personnes tous les jours. Et bien, ce verre d'eau que son père lui a demandé, Aoujeb, wahabilallah, qu'il abreuve tous ces gens-là. Parce que son père, ce qu'il lui a demandé, c'est wajib pour lui le faire. Ce qu'il a fait d'à côté, c'est pas wajib sur lui le faire. Lui, il va voir que c'est rien, c'est mon père, il va attendre un petit peu. Non, il ne va pas attendre ton père. Ton père dit, ramène-moi un verre d'eau, apporte-lui un verre d'eau. L'histoire de Julay, qu'on a pris il n'y a pas longtemps, qui faisait salat naafila, sa mère, elle l'appelait. Salat naafila. Sa mère, elle l'appelait, il répondait pas. Elle l'appelait, il répondait pas. Elle l'appelait, il répondait pas. Elle a fait dua sur lui. Qu'il ne meure pas avant d'avoir vu les zaniyat. Qu'Allah fasse qu'il ne meure pas avant qu'il ait vu des femmes, des perverses. Après, vous connaissez l'histoire qui lui est arrivée par la suite. C'était dua de quoi? De sa mère. De quel fait qu'il lui a pas répondu? Est-ce qu'il lui a répondu? Est-ce qu'il a rejeté ou insulté? Non, il faisait salat, une ibada, nafila. Cependant, cette salat, normalement, passe après l'ordre de sa mère. Demain, tu fais salat nafila, ta mère t'appelle, tu laisses ta salat nafila, tu vas faire ce qu'elle te dit de faire. Par contre, ton wajib, là, non. Tu l'appelles là, tu ne réponds pas à ce moment-là. Mais tu fais vite, par exemple. Donc ça, c'est un bête sur lequel beaucoup d'entre nous, hein, on se trompe. Et c'est pareil dans les Qawaid al-Fiqhiyya, on voit que la maslaha qui est akbar, tu la condamnes sur ce qui est adna. T'as un khayr, et un khayr qui est un petit peu moins bien, condamne le plus grand khayr qu'il y a. Je me rappelle, avec des mecs, j'avais un frère, à un moment, il y avait des travailleurs qui faisaient des travaux dans le masjid. C'est un frère débutant qui est arrivé, un frère de France. Il y avait Doulous dans le masjid à côté. Tout le lèvre, comme c'est connu à des mecs. Doulous Khos, quoi. Enfin, le frère, il ne parlait pas la langue arabe, ou très mal. La Akhida, il connaissait pas tout ça. Il disait, ouais, je vais dehors, je vais aider les Oumel, je vais prendre le hache de construire le masjid. On dit, Akhila, toi, c'est pas pour toi, ça. Toi, va dans le masjid, je vais prendre de l'os. Il dit, non, ça, c'est comment? C'est du hache. J'aide à construire un masjid, et kaza, et kaza, et kaza. Les gens qui sont avec toi là, qui travaillent, ils sont payés, c'est leur travail. Toi, fi haja, pourquoi t'es venu jusqu'ici? Pour faire un masjid. Dans ton pays, tu peux le faire un masjid. T'es venu de France jusqu'au Yémen. T'as fait ce long travail, ce long trajet, pour faire la queue avec des ouvriers, pour porter des blocs, pour faire un masjid. Alors que t'as des deux loups à prendre. T'as fait tout ça sans rien pour ça. Tu peux le faire chez toi, ça. Tu vois? On va dire que t'es venu ici pour ta stafad, ta khouz al-im, ta troubel al-im. Et ça, c'est awala pour toi. Tu connais qui est ton seigneur, comment l'adorer, tu comprends la langue, qui te permettent justement, qui est un outil pour toi primordial pour comprendre comment faire cela. Et toi, tu es là dehors en train de porter des blocs, faire un masjid. Tu vois? Comme encore la Ta'ala, et ta stabdiloun al-lazi ou adonai bil-lazi ou akhaye. Parce que vous changez celui qui est moins bien pour ce qui est meilleur. Et on lui a dit cela au frère. Après, le miskin est parti, il ne comprenait pas. Vous voulez faire du khaye. Mais il n'était pas faire qui, il n'a pas compris. En fait, c'est Shaitan qui joue avec lui. Pour l'empêcher de prendre ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Et ce frère-là, après, il n'a plus de nouvelles de lui. Alors, bien retenir que l'acte préféré auprès d'Allah, c'est le wajib. Pareil, j'en avais un à mon travail, c'est ça là que j'ai compris le soir. À mon travail. Un musulman, un vieux. À cause du travail, il faisait pas la salat à l'heure. Il faisait tout le soir, ensemble. Et à Tarawih, je me rappelle, j'étais parti une fois à un masjid, et j'arrive, on est arrivé tout avec des frères, et je te vois au premier rang. Lui, il est tout le temps au premier rang, Tarawih, il est là, machallah. Je suis comme. C'est salawat wajiba. Maktouba, il est fait pas à l'heure, il est au groupe le soir pour le travail, et au Tarawih, il est au premier rang, il vient tout devant tout le monde. Bon. Je connaissais pas quand ce hadith là à l'époque. Mais c'était pas passé, je suis, c'est pas marrant, ce qu'il fait. Ça, c'est normalement, le tarawah, c'est pas wajib sur toi. C'est à faute que tu viennes. Mais comment tu mets autant d'ardeur à venir pour le premier rang, et t'as des gens, des fois, sans parler de lui en particulier, c'est du ria, tout ça. Parce qu'ils ont l'habitude. Moi, si je suis au premier rang, c'est pas possible. Faut que je sois au premier rang, à tel masjid, à telle heure, et kaza, et kaza, et kaza. Tu lui dis, c'est pour là que tu fais ça? Il dit, nam, fais ton fajr, fais ton zor, fais ton asr, fais ton maghreb, fais ton isha à l'heure. Allah, il préfère cela, c'est mes sens pour là que tu fais ça. Là. Et si mais tu fais cela, allez, comme ça va arriver après, il va te voir fort pour que tu sois au premier rang Tarawih, Inch'Allah. Mais si jamais tu fais ça, tu te bats pour être au premier rang Tarawih et le reste tu le délaisses, donc ça c'est à comprendre. C'est quoi qui préfère auprès d'Allah Azzawajal? C'est donc celui qui vraiment qui aime Allah et qui veut aimer auprès d'Allah Azzawajal, il comprend parce qu'il est obligatoire pour lui. D'accord? Il y a des frères, ils avaient cette dendana là, ils disaient, regarde, ils ont une grande barbe, mais regarde un tel, il se rase la barbe, mais le Coran, il le finit toutes les deux semaines. Et l'autre, il connaît que du Zahamma. Tu vois? On dit, ouais, mais l'autre, sa barbe, elle est wajib, elle est expulsée. Et l'autre, il en connaît toutes les deux semaines, c'est un fadl. C'est pas wajib, il se rase la barbe, ça, c'est un péché. Et même, c'est considéré comme un grand péché parce que c'est Tachaboul Bikoufa. Et certains, on l'a dit, c'est Tachaboul Binissa. Donc, si vraiment, il lit le Coran pour, par amour pour Allah Azawajal, il commence par faire ce qu'Allah il aime, il laisse sa barbe, en premier lieu. Et en quoi sa barbe l'empêche de lire le Coran, de toute façon? Et je m'en emmène, il fait les deux. Sa barbe, il la laisse, et il prend son Coran, et il lit. Et l'autre, on l'encourage à faire plus. Mais si jamais il fait ce qu'il fait là, pas de péché sur lui. Juste il perd du khay, c'est tout. L'autre, il prend des péchés. C'est qui le meilleur des deux? C'est des chebouettes que les gens les ont, tu vois. Et il dit par la suite, وَمَا زَالَ عَبَدِيَ تَكَرَّبِ لَيَا بِالنَّوَافِلِ حَتَّى وَحِبَّ Que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires. Donc maintenant, tu veux rajouter de l'amour. Après que tu es là, tu fais ce qu'Allah il aime, tu veux qu'Allah t'aime plus, rajoute maintenant. Rajoute, comme on dit. Ton capital, il est préservé par le wajib. Maintenant, rajoute. Tu veux du ribh, du bénéfice, maintenant, rajoute. Mais ton capital, garde-le, toujours. Ajoute. Parce qu'il n'est pas de machakor, sans tomber non plus, ce qui va te faire que tu te lasses et que tu vas arrêter. Samoustamir. Ahabul amalillallah, madame alayya sahibu. Les actes préférés auprès d'Allah, après le wajib, c'est ceux qui les fait, ils perdurent dessus. C'est pas un jour il fait, le lendemain il fait pas. Un mois il fait, un mois il fait plus, il recommence, il arrête. Non, tu continues, même si c'est peu, tu continues. C'est ça qu'Allah il aime. Donc, c'est pas quelqu'un, des fois, dans la fougue, tu vois. Il dit, khalas, moi je vais faire jeûne Daoud. Il fait Ramadan, il a du mal. Après, il a fait les sita shawel, il sent qu'il a la force. Il dit, khalas, maintenant, cette année, je vais faire jeûne Daoud, je suis arrivé. Commence déjà. 3 jours par mois. Après, tu vois que tu tiens au bout d'un moment, fais lundi et jeudi. Après, tu vois que tu tiens. Plus tard, rajoute, John Daoud, c'est tu le sens. Ah, mais tu pars dire John Daoud, généralement, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Parce que ça, c'est de la fougue. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Shaitan. Il te pousse, vas-y, t'es fort. Et à propos de quelques jours, le frère, tu le vois, il dit, non, j'ai arrêté et tout. C'est trop dur. Je suis là. Et c'est même pas l'arrêté. John Daoud, il jeûne plus du tout. Il fait que Ramadan. Alors que si tu t'avais dit juste, c'est 3 jours par mois, tu pourrais les continuer facilement. Mais là, t'as arrêté tout le siècle, du coup, l'IA. T'as voulu en faire trop, au final, comme on dit, t'as trop mangé, après, t'as quoi? T'as tout vomi. Après, tu dis, je mange plus. Là, prends un petit peu, habba, au fur et à mesure, alors, adal hikma. Ça, ça rentre dans le tachadoud, à l'ansoussina, qui est, mamnour, nuhina, un takalluf, comme akala, numasol, le nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Sous ma akala, faisait ahbab, tout, si Allah, il t'aime, si je l'aime, mon serviteur, car ce n'est pas sûr qu'Allah, il t'aime. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به إلى آخر الحديث. Jamais je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il l'entend. Je suis sa vue par laquelle il voit. Je suis sa main par laquelle il saisit et je suis son pied par laquelle il marche. ما معنى هذا؟ ليس الحلولية كعلى اللعنو. الرحمن على العرش استوى. على il est pas avec notre création. Allah il est au-dessus des cieux, sur son trône. Ustawin, arashi. Et aussi de son trône. Il n'est pas avec nous. Il est avec nous comment? Bi'ilmi. Et là, en fait, il est avec toi, là, ça parle de quoi? Del ma'iyya al-khas. Son soutien particulier. C'est-à-dire quoi, en fait? Arrête de nous tawfiq. Avec tes yeux, tu vas regarder ce qui est halal, ce qui est bien pour toi. Lire le Coran, lire les kutub, quand même. Regarder la créature d'Allah pour méditer, pour avoir plus de foi. L'oreille, tu vas écouter avec tes oreilles des bonnes choses. Tu vas écouter du Coran, des durus, des muhadara, d'accord, des bonnes paroles. Tu vas rencontrer des bons frères qui vont dire des bonnes paroles, des bonnes nasa'ih, avec ta main, tu vas utiliser les bonnes choses. Ton qalam pour écrire, tu vas faire le dos comme il faut. Tu vas te donner la mushaf, donner les kutub, faire du khair avec ta main, aider tes frères, et ta jambe, tu vas marcher au bon endroit. Évitez les endroits qui sont haram. Tu seras muwafaq. Tu seras muwafaq. C'est ça que ça veut dire le hadith. Plus tu feras des nawafil, bien sûr, la sunnah est istimrar et ikhlas, plus Allah va t'aimer et plus il va te wafaq. C'est pour ça que tu es obligé, en tant que musulman, d'avoir, comme on dirait, ta part de ibadah. Tu es obligé d'avoir ta part de ibadah. À la base, c'est créé pour ça. Des fois, tu vois, on est dans les kutub, on nahfaz, nouradjir, kada, ibadah qalila. Alors, ça, c'est un durbuna, ça. Normalement, tout ce que tu apprends justement, c'est pourquoi? Pour la suite, pour pouvoir appliquer. Cheikh Hessam disait que sa force était dans son zikr qu'il faisait du matin au fajr. Il disait, ma force, elle est là. C'est ibad, hein. T'en as, c'est kemel leil. T'en as, c'est le siyam. Ils ont une ibad, ils en ont besoin. S'ils l'ont pas, il dit, je tiens pas. Donc ça, c'est une chose qui t'encourage à faire des nawafil. D'accord? Des nawafil. Et plus tu vas en faire, plus elle va t'aimer. Et plus tu auras du succès. Bismillah ta'ala. Et il le dit après. C'est une cause, il s'y a pas de doa. Pourquoi? Car il fait beaucoup de ibadah. Maintenant, chacun a son moustawa. D'accord? Et t'es moustamir. Ce que tu fais, tu continues. Tu continues pour pas, au final, finir par tout abandonner. Mais celui qui ne fait rien, tu verras que beaucoup de gens, des fois, ils sont dans les péchés. Je comprends pas, j'ai une baisse de foi, quand on dit, fais des ibadah. Salat doha, fais de rakat. De rakat avant le fajr. Rakat et le fajr, t'as vu? C'est meilleur que la dunya, tout ce qu'elle comporte. Nabi sans famille, il a fait la promesse que celui qui fait deux rakats surgatoires par jour, Allah lui construit une maison au Jannah. Deux après avant le Fajr. Quatre avant Zor ou deux avant Zor. Deux après Zor. Deux après le Maghreb et deux après l'Aïcha. Même si elles sont légères. Mais Allah, au minimum, tu fais que le Fatiha dedans, si tu ne veux pas lire beaucoup de Coran. Rien que ça, c'est un khayr arrive plutôt que ne rien faire du tout. Ou dire, khalas, le nawafil, je lis des soirs super longues, et après, au bout d'un mois, t'as arrêté. Dis là, même tu fais des soirs qui sont cassées, qui sont courtes. C'est pas un problème, mais continue. Ça va t'amener à ce que Allah t'accorde du tawfiq par la suite. Et tu vois, les gens qui sont moins fakoun dans leur dîn, sont des gens qui font cela. Ils font des ribadat. Mais à leur niveau. Et les gens sont pas pareils. T'en as, ils se portent beaucoup. Et t'en as, ils le sont moins. Même chez les sahaba, t'en as qui étaient plus dévots que d'autres. Bien que les sahaba, ils ont tous leur fadou. Azim. Ou akaza. Donc, à bien comprendre le fiqh de ce hadith, qui est, en premier lieu, ne pas s'en prendre au wali d'Allah, azawajal. Et le wali, c'est qui? C'est le croyant pieux. Kazadik, que l'œuvre que Allah préfère, ce n'est pas la grosse œuvre, ou ce qui est immense, c'est ce qui est obligatoire. Vaut mieux que tu payes une petite zakat sur un peu d'argent que tu as, tu fasses une grosse sadaqa de je ne sais pas combien, et à côté de ta zakat, tu ne la payes pas. La salam. Ensuite, une fois que tu as fait les actes à l'ailem, ce qui prouve ton ikhlas, tu veux vraiment qu'à l'ailem, fais les wajibat. Tu veux qu'à l'ailem plus, fais des surrogatoires. Et là, tu seras muwafaq bizina ta'ala. Tamam? Fadha alladhi akhadna al-yawm bi hadithayn. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.